ma bande démo, ta maman tourne à l'apéro. Ton ex-meuf fait du gogo, ça fait 6 ans, t'as le même manteau. Après le contrôle de l'alcotest, y'a une bagarre rue de la Roquette. T'as un CDI, vendeur de moquette, un dépôt de plainte pour cause draquette. Tu viens d'apprendre que t'es héritier, t'as bien cogné, t'as vaillé. T'as le trou de balle, bien hérité. Le bombé saphir, on le voit congelé. Tu roules avec une fausse IMAT, j'ai des souvenirs de télémac. Banane à l'assurance pour des IMAC. Quand tu sors, tu te mets de la laque. Ta sœur tapine sur un porte-avions. On s'est encore trompé de wagon. Ton Rottweiler, il se coule ballon. Ta maman me fait lever le bâton. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. Comme le professeur Xavier. Nantillaise, tu viens me vider la crème anglaise. Ton père remue la queue quand je sors la laisse. Je me secoue la nouille pour mettre à l'aise. T'es sorti du poste, c'était hier. Dolce et Capi sont morts un soir d'hiver. Prise allume-cigare sur ta glacière, sur ta Goldwing en marche arrière. J'étais pompiste chez Antard. Ton père homo, il est fandard. Gizmo c'est à Billy qui dit au revoir. C'est dans les cheveux, je mets les molars. Nono le petit robot farceur, ton frère obèse, en débardeur. On a perdu un réacteur, pas de coca dans Johnny Walker. Ton daron s'est fait avoir par le riri. La Parkinson a eu Marty. Mallory à poil dans le show de Jackie. Les bandes d'arcade sont chez Ricky. Pas le progéria chez Tormardi. Le film de cul des parents de coulis. Cirer des pompes, c'est ce que faisait Quincy. Fofana a été habillé en ADD. Prends pas de la S, on t'a averti. Bon appétit, bon bakébi. Ton cadeau de Noël, c'est des athémies. T'as un serre-tête, Hello Kitty. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. J'parle dans ta tête. Comme le professeur Xavier. J'parle dans ta tête. Xavier.